France Inter. Frédéric Sigrist, cher Frédéric, pour cette première chronique de l'année, de quoi allez-vous nous parler ? Ah, faites-moi confiance Mathilde, je sais que le mois de janvier est toujours un peu délicat pour les auditeurs. Le 1er janvier, on a toujours la mauvaise surprise de retrouver les collègues relous qui nous disaient « à l'année prochaine !» la veille. On se rend compte qu'après les fêtes, on a perdu sur son compte en banque ce que l'on a gagné sur son pèse-personne. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en plus de ça, on démarre l'année avec les vœux du président. Bref, je sais que les auditeurs ont besoin d'avoir des programmes « feel good ». Tous connaissent absolument pas la série dont je vais vous parler ce matin. Alors c'est quoi cette série ? Alice in Borderland, l'adaptation en chair et en os du manga d'Haro Asso. Alors il faut prévenir tout de suite les auditeurs, si vous êtes dépressif, que la vie ne vous a pas fait de cadeaux ces derniers mois, et que vous vous sentez au fond du trou, hein, sur l'échelle du mal-être, où vous êtes entre Kanye West et un journaliste du Point, spécial dédicace pour toi Clément, rassurez-vous, l'auteur d'Alice in Borderland va plus mal que vous. Michel Houellebecq a vu Alice in Borderland, il paraît, il a trouvé ça un chouïa anxiogène. Bah dites donc, ça promet. De quoi parle cette série précisément ? Alice in Borderland est une relecture d'Alice au Pays des Merveilles, mais sans les merveilles. Le héros Arisu, c'est comme ça que l'on dit Alice phonétiquement en japonais, est un jeune adulte apathique et atone qui passe sa vie aux côtés de deux amis dans un Japon contemporains qui les considèrent comme des ratés. Après un étrange feu d'artifice, ils se réveillent transportés aux côtés de milliers d'autres individus dans un Tokyo parallèle, où ils ont désormais un visa qui indique le nombre de jours qu'il leur reste à vivre. Chiffre qu'ils peuvent faire augmenter s'ils acceptent de participer à des jeux mortels eux aussi. Ça rappelle un peu Squid Game, l'autre grand succès de Netflix. Ah bah tout à fait Mathilde. Sauf qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Non seulement Alice in Borderland est sortie avant Squid Game, mais c'est aussi une série qui s'avère bien plus ambitieuse, tant dans les jeux sadiques présentés, que dans leur mise en scène. Mais surtout, c'est une série plus dure, plus sexuée, mais aussi plus violente que Squid Game. Ce qui explique que Netflix a eu plus de mal à la vendre comme une énième série des cours d'école. Si filiation il y a, elle est bien plus à faire avec Battle Royale, le roman, film et manga, où l'on voyait que face à la montée de la violence des jeunes, un Japon dystopique décidait de les envoyer se trucider les uns les autres sur une île. Comment expliquez-vous cette fascination morbide pour la mortalité de la jeunesse dans la culture japonaise ? En 2020, au Japon, le suicide était la première cause de décès chez les 15-34 ans. Pression scolaire ou familiale écrasante, le Japon a un énorme problème de communication avec ses jeunes. Et ça se ressent dans ses mangas, autant que dans une série comme Alice in Borderland. Alors c'est clairement pas une série où on se tape sur les cuisses. Hein. Moi j'ai vu les deux premières saisons, il a fallu que je regarde la vidéo des vœux du Parti Socialiste pour retrouver le sourire. Hein. Mais, car il y a un mais, il y a dans cette série, qui entretient le mystère tout du long, où sont vraiment les joueurs, est-ce une série de science-fiction, un récit fantastique ou métaphorique, je vous dis rien, il y a des tas de moments de grâce et de beauté très émouvants. Des flashbacks de vie de tous les joueurs qui rappellent les meilleures saisons de Lost ou Walking Dead, ou même plus proche de nous, le jeu vidéo Last of Us. À cela s'ajoute le soin tout particulier apporté au jeu qui rappelle que le Japon est aussi le pays du shogi, ce jeu d'échecs où la stratégie compte plus que tout. Enfin, quand on voit le succès de cette série sur la planète, voir des jeunes partout vibrer et même se retrouver dans ce qui était initialement un mal-être purement japonais, ça devrait nous alerter sur ce qui se passe dans la tête de nos jeunes, particulièrement depuis les confinements. Sans emploi, sans avenir, enfermé et condamné à s'affronter, eh ben Mathilde, j'ai envie de vous dire, tu m'étonnes que ça leur parle. Frédéric Sigrist, Alice in Borderland était votre blockbuster de la semaine. Frédéric, est-ce qu'en 2023, il y aura encore des podcasts blockbusters ? Bien sûr, le prochain qui va arriver, on va célébrer la fin du manga L'Attaque des Titans, justement avec la venue d'Isayama au Festival d'Angoulême. Et après, là je vais faire plaisir à Julien Baldacchino, on va, d'ailleurs il est invité à y participer, on va faire un podcast sur Starmania. Ah, Starmania, le carton aussi, hein, actuel. Hein. Merci Frédéric.